roi, le roi des maladroits. Pourquoi ce matin-là, il est triste d'être là. Il aurait pris sa plume pour écrire à la belle princesse des brumes un poème passionnel de beaux mots qui parfument, honnête et naturel, magique porte-plume, romantique et sensuel. Un chevalier ardent, pris de courrier précieux, le déposant à temps, il était consciencieux. Il est parti sans laisser son adresse, brûlant toute sa vie, oubliant la tendresse. Il fait des poésies, oubliant la détresse, se noyant d'utopie, rêvant d'une caresse. Tout l'univers s'écroule comme un château de cartes, un film qui se déroule, une clé qui s'écarte. Ce matin, les pavés de sa cour sont glissants, le ciel est délavé et le vent est gelant. Étouffant, voudrait faire une trêve comme font les enfants dans le pays des rêves. Reviendra-t-il le jour avant d'être terni, ou renaîtra l'amour dans son cœur endormi? Mais vous l'avez compris, le petit roi c'est moi. Le chagrin qui m'a pris est le même qui t'a pris toi, qui un jour fut surpris comme un chat si à moi, pleurant ce qu'on lui a pris la nuit sur les toits. Bien que je me l'écrive, cette chanson ordinaire qui parle bien d'amour dans une histoire banale. Quand tout part à la dérive, il n'y a pas de mystère. On vit le jour dans un étrange carnaval. Je sais ce qui arrive aux célibataires. Faut jamais dire toujours car cela peut faire mal. Je veux qu'on me prescrive des nuits de jambes en l'air, car j'aime faire l'amour et je trouve ça normal. Je veux de l'amour pour tous, toujours de l'amour partout, je veux de l'amour pour tous, tous les jours.